En ce moment, un facteur des messageries royales se présenta dans la salle à manger après avoir fait sonner la porte à claire-voix. Il demanda M. Eugène de Rastignac, auquel il tendit deux sacs à prendre et un registre à émarger. Rastignac fut alors sanglé comme d'un coup de fouet par le regard profond que lui lança Vautrin. « Vous aurez de quoi payer des leçons d'armes et des séances au tir, » lui dit cet homme. « Les galions sont arrivés, » lui dit Madame Vauquet en regardant les sacs. Mademoiselle Michonneau craignait de jeter les yeux sur l'argent, de peur de montrer sa convoitise. « Vous avez une bonne mère, » dit Madame Couture. « Monsieur a une bonne mère, » répéta Poiré. « Oui, la maman s'est saignée, » dit Vautrin. « Vous pourrez maintenant faire vos farces, aller dans le monde, y pêcher des dots, et danser avec des comtesses qui ont des fleurs de pêcher sur la tête. Mais croyez-moi, jeune homme, fréquentez le tir. » Vautrin fit le geste d'un homme qui vise son adversaire. Rastignac voulut donner pour boire au facteur et ne trouva rien à sa poche. Vautrin fouilla dans la sienne et jeta 20 sous à l'homme. « Vous avez bon crédit, » reprit-il en regardant l'étudiant. Rastignac fut forcé de le remercier, quoique, depuis les mots aigrement échangés, le jour où il était revenu de chez Madame de Beauséant, cet homme lui fut insupportable.